J'espère que vous avez passé tous un bon été. Alors, j'aime souligner la présence de Mme Hélène Fotopoulos, membre du comité exécutif et responsable de la culture, du patrimoine et de la condition féminine. Et je me demande si Mme Saint-Mars, je la vois entrer, tiens, comme je... Alors, de Mme Marie Saint-Mars, si vous voulez vous avancer, Mme Saint-Mars, qui est conseillère associée à la culture. Bonjour, Marie. Alors, je demanderai au commissaire de se présenter et de mentionner de quel arrondissement ils font partie. Laurent Blanchard, conseiller d'Hochelaga dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. François Limoges, conseiller de ville du district Saint-Édouard dans l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie. Véronique Fournier, conseillère de la ville dans le district de Saint-Henri-Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Alors, à ma gauche. Oui. Mon nom est Vincenzo Cesari, conseiller municipal arrondissement La Salle. Giovanni Rapanin, conseiller d'arrondissement district Rivière-des-Prairies. Chantal Rossi, conseillère d'arrondissement district Marie-Clarac à Montréal-Nord. J'aimerais excuser l'absence de la vice-présidente, Mme Jocelyne Anne Campbell, qui est retenue à une autre réunion. Mon nom est Michèle Biron, je suis présidente de la commission et je suis conseillère de l'arrondissement de Saint-Laurent. Et j'aimerais souligner la présence des représentants de la Direction de la culture et du patrimoine, M. Jean-Robert Choquet, directeur, Direction de la culture et du patrimoine. Bonjour, M. Choquet. M. Paul Langlois, directeur du développement culturel. Mme Margot Bourgeois, conseillère en planification. Et Mme Louise Guillemette-Laborie, directrice associée aux bibliothèques, et Mme Aude Lecointe, qui est agente de développement culturel. Alors, bonjour à tous. La commission permanente du Conseil municipal sur le développement culturel et la qualité du milieu de vie complète ce soir son programme d'activité pour l'année 2010. La séance de cette fin d'après-midi débutera avec l'adoption des recommandations de la commission à la suite de la consultation publique sur le plan d'action 2010-2014 du réseau Accès Culture et l'étude publique du projet de bibliothèque du 20e siècle. La commission accueillera ensuite, s'il y a lieu, les questions des citoyens. La commission dépose ses rapports et recommandations sur les sujets étudiés au Conseil municipal le 20 septembre. Il appartiendra par la suite au Conseil municipal et au comité exécutif de décider du suivi à accorder aux recommandations de la commission. Au sujet des recommandations, vous avez peut-être pris connaissance de l'article de M. Éric Clément paru dans le journal La Presse ce matin. M. Clément y annonçait la recommandation que la commission adopte ce soir. La commission est certes flattée de l'intérêt porté à ces dossiers, mais elle tient tout de même à exprimer qu'il s'agit d'une procédure inhabituelle. Tant aussi longtemps que les recommandations ne sont pas adoptées publiquement, ces recommandations demeurent au stade de projet et ne sont pas diffusées au public. Par ailleurs, il appartient à la commission de dévoiler publiquement ses conclusions. Alors, nous nous sommes réunis cet après-midi et il y aurait pu avoir encore des changements dans les recommandations. Alors, je pense que c'est très important de faire la mise au point. Je demanderai quelqu'un pour un proposeur et un second proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Alors, l'adoption des procès-verbaux des séances publiques tenues le 28 avril et le 3 juin. Secondé par Mme Fournier. Alors, pour les deux, j'ai les mêmes proposeurs pour la séance du 28 et du 3 juin. La commission remercie ceux et celles qui lui ont fait part de leurs commentaires, suggestions et recommandations, ainsi que les fonctionnaires qui ont participé au processus pour la qualité de leurs interventions au cours de l'Assemblée publique et des séances de travail de la Commission. Attendu l'adoption par le Conseil municipal en 2005 de Montréal Métropole culturelle, politique de développement culturel de la Ville de Montréal 2005-2015. Attendu le 9e engagement de Montréal Métropole culturelle, politique de développement culturel de la Ville de Montréal 2005-2015, visant le développement de la diffusion culturelle montréalaise. La Commission recommande au Conseil municipal, R1, que la Ville de Montréal approuve et mette en œuvre le plan d'action 2010-2014 du réseau Accès culture de Montréal. Relativement à l'offre culturelle, R2, que la Ville de Montréal demande à la Direction de la culture et du patrimoine d'œuvrer en complémentarité avec les diffuseurs privés, particulièrement au niveau de l'offre s'adressant aux jeunes publics et au public scolaire, tout en poursuivant les objectifs visant à accroître la participation des jeunes publics. R3. Que la Ville de Montréal invite la Direction de la culture et du patrimoine à explorer la reconnaissance et à investir dans le soutien aux artistes handicapés, de manière à inclure des œuvres produites par des artistes en situation de handicap dans la programmation du réseau et en offrant au public l'accès de ces œuvres. R4. Que la Ville de Montréal demande au réseau Accès culture de favoriser la création au moyen d'une offre audacieuse et diversifiée et qu'il en renforce la promotion ainsi que l'accompagnement dans le but d'accroître la fréquentation. R5, que la Ville de Montréal incite la Direction de la culture et du patrimoine à faire une place de choix aux artistes de la relève, à valoriser la fonction d'incubateur et à développer des résidences d'artistes dans le réseau Accès culture, et ce, en complémentarité avec le milieu local. Concernant la demande culturelle, R6, que la Ville de Montréal demande à la Direction de la culture et du patrimoine de poursuivre et accentuer les activités de médiation et d'accompagnement du réseau Accès culture afin de répondre aux défis de la démocratisation culturelle visant à augmenter de façon significative le nombre de projets de médiation prévus au plan d'action. R7, que la Ville de Montréal demande au réseau Accès culture de maximiser le potentiel des outils de promotion et d'information déjà existants et d'optimiser la distribution des laissez-passer et des billets. Au sujet des équipements culturels, R8, que la Ville de Montréal et ses arrondissements déterminent ensemble les moyens d'atteindre de manière équitable les objectifs visant au plan d'action en matière de construction et mise à niveau des équipements culturels du réseau Accès culture. R9, en rapport avec l'aménagement et la réfection des lieux de diffusion, que la Ville de Montréal demande au réseau Accès culture de prévoir l'adaptation des lieux en vue de l'intégration de pratiques artistiques pluridisciplinaires et émergentes et des nouveaux équipements requis, ainsi que de s'assurer du respect des normes de sécurité et de l'application d'actions concrètes en matière d'accessibilité universelle afin de permettre aux artistes handicapés la pratique et l'expression de leur art. En matière de ressources, R10, que la Ville de Montréal demande au réseau Accès culture d'être exemplaire en matière de rémunération des artistes, et ce, en couvrant l'ensemble des coûts liés à la production des spectacles, aux activités de médiation qui y sont rattachées et au versement des droits d'auteur. R11, que la Ville de Montréal confie à la Direction de la culture et du patrimoine le mandat d'élaborer, en concertation avec les arrondissements, une hypothèse de politique tarifaire diversifiée. À propos du suivi et de la coordination du réseau Accès culture, R12, que la Ville de Montréal s'assure que le réseau Accès culture reflète et respecte la richesse de la diversité culturelle montréalaise. R13, que la Ville intègre le terme francophone dans l'expression Montréal Métropole culturelle pour refléter ainsi la spécificité culturelle de Montréal par rapport aux autres grandes villes nord-américaines telles que Toronto ou New York. Sur le plan du soutien financier, conséquemment, que la Ville de Montréal octroie à la Direction de la culture et du patrimoine et aux arrondissements en fonds dédiés les crédits nécessaires à la réalisation du plan d'action, soit une hausse du budget annuel de fonctionnement, excluant les dépenses d'immobilisation évaluées à 6 millions. Alors, je demanderai un proposeur et un second proposeur. Et Mme Fournier. Maintenant, le projet de bibliothèque du 21e siècle, adoption des recommandations. Attendu l'adoption par le Conseil municipal en 2005 de Montréal Métropolitaine culturelle, politique de développement culturel de la Ville de Montréal 2005-2015. Attendu le septième engagement de cette politique, la Ville se donnera un plan de rattrapage et de mise à niveau de ses bibliothèques qui comprendra notamment l'ajout d'employés spécialisés et non spécialisés, la mise à jour des collections, l'augmentation des heures d'ouverture, la mise en réseau informatique, de même que la mise aux normes, l'agrandissement ou la construction de certains locaux. Attendu le diagnostic et le plan rattrapage 2007-2017, la Commission recommande au Conseil municipal R1. Que la Ville de Montréal approuve et mette en œuvre le projet de bibliothèque du 21e siècle. R2, que la Ville de Montréal maintienne un taux de croissance permettant d'atteindre un niveau d'investissement dans les bibliothèques, dépenses par capita et par personne résidente, comparable à celui des grandes villes canadiennes comme Vancouver et Toronto. R3, que la Ville de Montréal poursuive les investissements technologiques et accentue la présence et les services des bibliothèques sur le web tout en réaffirmant un parti pris en faveur des collections imprimées et dans le respect des spécificités locales. R4, que la Ville de Montréal invite la Direction de la culture et du patrimoine et les arrondissements à accompagner le personnel et les usagers de manière à assurer le succès du virage technologique proposé. R5, que la Ville de Montréal invite la Direction de la culture et du patrimoine à se doter d'un plan de formation à l'intention du personnel des bibliothèques, particulièrement pour les aides bibliothécaires, dont les tâches seront revues à la suite de l'implantation des nouvelles technologies telles les bornes d'auto-prêt et les chutes à livres intelligentes. R6, que la Ville de Montréal confie à la Direction de la culture et du patrimoine le mandat d'élaborer le projet de bibliothèque hors les murs. R7, conséquemment, que la Ville de Montréal octroie à la Direction de la culture et du patrimoine et aux arrondissements au moyen d'un fonds dédié les crédits requis pour la réalisation des 8 actions prévues au projet de bibliothèque du 21e siècle, soit pour la période 2011-2013. 8,7 millions en investissement, 600 000 en budget initiaux non récurrents, 4,9 millions en ajouts annuels récurrents au budget de fonctionnement. Alors, je demande un propose, Madame et M. Limoges, second. Alors, je pense qu'on n'a pas de personnes qui se sont inscrites, mais s'il y a des gens qui veulent venir au micro et s'exprimer, le micro est à vous. Alors, j'inviterai Mme Foutopoulos à prendre la parole et à conclure. Premièrement, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les commissaires, félicitations pour un travail assez, je dirais, intéressant, mais aussi assez complet et compréhensif. Nous avons cru bon de vous soumettre deux volets de la politique culturelle, deux volets qui étaient mûrs pour présentation pour orientation et bien sûr consultation. Mesdames et messieurs du public, employés de la ville, merci d'avoir aussi répondu en si grand nombre à cette invitation de la commission. Parce que ce que vous venez d'adopter, ça va aider beaucoup de mettre Montréal dans le 21e siècle de réseau culturel, que ce soit pour la diffusion ou pour notre offre en bibliothèque. Autre que lire le journal ce matin, j'ai pas eu le temps ou j'ai pas eu l'occasion de lire vos recommandations. Donc, ma première réaction, pour avoir été ici au début, puis écouter certains, entre autres, craintes exprimées par nos employés, je pense que vous avez bien répondu avec vos recommandations quant à la formation qui sera nécessaire pour nos employés comme pour la population, pour être efficace et bien intégré dans nos pratiques. Nous avons, comme administration, depuis quelques années, essayé de mettre les bibliothèques comme priorité de la ville. Mais c'est bien beau avoir une orientation politique, quelque chose qu'on avait même en 2001. Il faut que ça soit validé par la population, il faut faire consensus, il faut avoir aussi une certaine mobilisation de la population. Qu'il y a 20 ans, on disait Montréal, métropole culturelle, ben, ça a été consensus dans le milieu culturel. Maintenant, tous les milieux de Montréal convergent pour dire que la culture, le savoir, l'innovation, c'est des matières premières de développement de Montréal, que ça soit en aéronautique, en biotechnologie, donc dans tous les volets, ça prend ces aspects-là. Puis la responsabilité municipale, notre pierre angulaire pour le savoir, c'est bel et bien la bibliothèque. Et nous avons également la responsabilité pour la diffusion culturelle de... Comme a dit, je pense, M. Blanchard, dans mes petites notes, le milieu de vie en quartier, bien, c'est là, ça passe par là, que ce soit la bibliothèque ou dans la diffusion. On peut pas dire non plus, je sais pas si M. Césari, vous êtes d'accord avec le Ferrari Formule 1 et le Grand Prix, comme vous avez dit, mais je l'avais noté, parce qu'il faut pas avoir peur non plus de passer, d'aller plus loin, d'oser, d'avoir assez de DVD dans nos équipements, comme M. Lemoge a dit, c'est questionné là-dessus, puis parce qu'il n'est pas seul, là. Ben du monde qui s'interroge, mais ça passe par les investissements, par les chips, par les puces, et ce sont des investissements importants, majeurs. Nous avons déjà investi dans ce que vous avez noté dans la politique au plus urgent. Les heures, donc les collections et le mise en réseau. Et bien sûr le RAC pour agrandir, rénover et construire. Donc, on connaît nos objectifs, mais il y avait le volet informatisation, nouvelles technologies qui devaient aussi être abordées et on avait besoin aussi d'avoir le son de cloche. Et le son de cloche, bon, vous avez pris ça, puis nous soumettez des recommandations bonifiées. Moi, je suis très contente de les recevoir pour les bibliothèques comme pour les diffusions. Vous avez également compléter un travail important qui a commencé, qui a été mené par ma collègue, la conseillère associée, quand elle était responsable de la commission dans l'intervention, dans le cadre d'intervention en art public. Ce sont tous les dossiers que nous avons soumis à notre commission pour que la culture soit étudiée en public. Il y a une input et que nous avons pas uniquement les pistes qui sont identifiées par les élus et les employés, mais également par le public et les différents regroupements. Nous avons le réseau Accès Culture, qui sont des partenaires très importants. Et le plan d'action que nous avons à mettre sur pied, c'est un engagement de la ville, mais c'est également primordial pour la qualité de vie et l'épanouissement de notre population dans les arrondissements de la ville de Montréal. Donc, vos commentaires et suggestions seront incorporés dans la réponse. Montréal Métropole Culturelle, nous avons un agenda sur 10 ans. Bon, c'est 10 ans. C'est 27, donc il reste 7. Dans certains autres volets, évidemment, on sait que les nouvelles technologies vont continuer de se renouveler. Donc, il faut qu'on soit ouvert et pas trop statique dans notre façon d'implanter les nouvelles technologies, parce qu'on sait ce qui était révolutionnaire il y a 10 ans. Et maintenant passer au recyclage, j'espère. Donc, nous avons fait une sommet, nous avons fait des diagnostics, nous avons travaillé pour élaborer des plans d'action, et maintenant, c'est le temps de se pencher sur comment on va les implanter. Et donc, merci pour votre implication, le sérieux qui a été démontré. Et maintenant, avec mes collègues, on va travailler sur la réponse à la commission. Mais soyez assurés qu'on va vous revenir avec d'autres volets qui restent à peaufiner, parce que pour la bibliothèque, il reste le troisième volet. On avait le physique, on avait le virtuel, mais il reste le hors-mur qui est dans les choses à venir. Et donc, c'est un rendez-vous à un autre moment, mais un rendez-vous qu'on ne va pas manquer. Merci. Et merci à tous mes collègues. Je pense que je demanderai à Mme Saint-Mars, Mme Fotopoulos, si vous me le permettez, étant donné qu'elle était directrice, elle était présidente, en fait, de la commission, si elle veut s'exprimer, parce que elle en a une part. Mme Biron, je vous remercie beaucoup. Vous prenez très, très bien la relève. Je tiens à féliciter tous les membres qui ont travaillé à la commission, qui ont travaillé fort aux recommandations. Il est certain que l'on a fait du chemin. Je pense que depuis le tout début des travaux de la commission, quand on suggérait à chaque année des sujets avec en collaboration avec les fonctionnaires de la Ville de Montréal, depuis 2002, on a fait des pas importants. Il faut continuer, il faut persévérer. Je me souviens de la première discussion qu'on avait eue pour justement comparer les bibliothèques à Montréal aux bibliothèques des villes de 200 000 habitants et plus, ou c'était 500 000, depuis au Canada. Bon, c'est certain que peut-être quelques personnes pourraient nous dire que on a encore du retard, mais eux ont continué à avancer. Il est bien certain que nous, on se développe très bien. Je suis toujours très touchée par le service que l'on donne à la population dans les bibliothèques. Il y a place pour développement, ça prend des sous. Vous avez bien fait, vous avez été audacieux dans vos recommandations. Je les appuie fortement et je travaillerai pour vous, auprès de ma collègue, pour qu'elle puisse aussi bien passer le message. Alors, je vous remercie beaucoup. Monsieur Chaquet, est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose? Vous êtes depuis le début le mentor de cette commission, si je peux m'exprimer comme ça. Je vous laisse votre qualificatif, Madame la Présidente. je voulais simplement remercier les membres de la commission pour la qualité du travail qui a été réalisé. Je dois dire que pour n'avoir pas vu non plus avant quelques heures le contenu des recommandations, je pense que je parle au nom de tous mes collègues pour dire qu'on est extrêmement touché par la qualité et le côté, effectivement, comme disait Mme Saint-Marche, audacieux de ces recommandations-là. Et on souhaite beaucoup que vos voix soient entendues. Seulement un mot en complément pour remercier l'ensemble de mes collègues, les deux, dans le cas des deux dossiers. Et pour me réjouir quand même, à 17h, une journée de canicule, il y a autant de citoyens et d'employés qui soient présents aujourd'hui. C'est très rare, vous le savez. Et on le prend aussi comme une preuve de l'importance qu'on accorde à ces enjeux-là pour l'avenir. Merci beaucoup. Alors, Mme Laborie, parce que ses yeux brillent dans les, quand on parle de bibliothèque, alors si elle veut rajouter quelque chose, on va lui demander. Je vais être brève. Premièrement, merci. Deuxièmement, c'est court, hein? Mais c'est un gros merci. Et un merci parce que là, vous venez de... En tout cas, j'espère que vos recommandations vont être prises en compte et adoptées. Et c'est merci pour l'énorme somme de travail que vous venez de nous confier. Vous n'aurez jamais eu de gens aussi heureux de recevoir autant de travail à faire. Merci beaucoup. Alors, j'inviterai les commissaires si vous avez l'intention de donner un petit mot également. Monsieur Langlois, pour... Oh, mais ça va venir. C'est okay. Tout de suite après, je vais être... non, je ne les ai pas oubliés, Mme Poudouplos. Oui, un court commentaire, Mme la Présidente. Je pense qu'avec les recommandations qu'on a faites aujourd'hui de façon unanime, nous sommes bel et bien des parangons de vertu, comme on a pu le lire dans la presse de ce matin. Et je ne peux qu'espérer personnellement que ces vertus-là soient transférables à Mme Fotopoulos et aux membres du comité exécutif dans la préparation du budget des prochaines années. Mais Mme Fotopoulos, vous pouvez lui remettre ça parce qu'il est sur la commission de finances. Vous savez que je ne suis pas d'hier que je milite pour la culture puis les budgets culturels. Je suis très content des avancées parce que ce n'est plus il y a 15 ans, mais cela dit, on a quand même du chemin à parcourir, puis j'ai l'intention de travailler pour que les engagements qu'on a pris pour la culture soit respectée. Ça, vous pouvez compter sur moi. On a pris des engagements, ils étaient chiffrés. Donc, nous passons à travers les moments difficiles, mais c'est dans les moments difficiles où les secteurs basés sur le savoir et le développement durable de cerveau et des deux hémisphères qui comptent. Donc, mais... que Mme Saint-Mars et moi sont convaincus. Nous avons deux formations politiques qui ont une certaine influence aussi au comité exécutif, comme bien sûr la majorité. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose? Monsieur Césari? Je voudrais remercier tous les citoyens et citoyennes qui ont manifesté un intérêt sans précédent à la culture et aussi aux bibliothèques. Je crois qu'il faut rappeler que la force d'un pays, d'une province, ça passe par la culture et les savoirs. Il faut injecter. J'espère que les conseils vont donner l'indulgence plénière pour toutes les recommandations parce que s'il y a l'argent bien investi, c'est bien dans le savoir, les bibliothèques, la culture. Puis je pense que M. Choquet, qui est le maître, comme Enzo Ferrari ici, Madame Saint-Mars, Madame Fotopoulos, Madame Laborie aussi, Monsieur Langlois, et tous les gens présents, parce que vous méritez une médaille, parce que vous avez participé dans le processus démocratique et les recommandations, c'est pas seulement grâce à nous, mais c'est une volonté ardente, une passion qui vient de vous, les dames et les messieurs, que vous méritez beaucoup d'honneur d'être ici, parce que si on veut améliorer la société, ça commence par nous, parce que la première génération bâtit, la deuxième jouit et la troisième détruit. J'espère que non. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Alors, je voudrais, c'est le temps, là, M. Langlois, Mme Bourgeois, tous les gens qui ont travaillé dans ces dossiers-là, de bien vous remercier. Et je réitère mes remerciements Madame Saint-Mars, Madame Fotopoulos, Monsieur Choquet et tout le monde, et les commissaires, et Madame Paquet et son adjointe, Madame Lajeunesse, qui ont été extraordinaires avec nous. On est chanceux d'avoir Madame Paquet et Madame Lajeunesse comme secrétaire. Et est-ce que j'oublie quelqu'un, là? Non, c'était le petit mot, M. Langlois. M. Langlois, bon. Alors, je l'inviterai, M. Langlois, à dire un mot, puisque c'est sûr que... Là, ça a l'air d'un mot de la fin, là. Hein? Mais écoutez, je vais réitérer de la fin à Fayem, mais je vais réitérer les mêmes, d'une certaine façon, les mêmes remerciements que tout le monde, que mes collègues, aux membres de la commission, véritablement. Tous les gens du réseau Accès Culture, on a travaillé très fort sur ce plan d'action. On se trouvait audacieux dans nos demandes, dans nos recommandations, et on est très heureux de voir qu'on est secondé, qu'on est appuyé par la commission sur ces recommandations. Donc, j'espère que ça va pouvoir porter fruit, puis que d'autres, à tous les échelons de la ville, on pourra avoir la même audace. Maintenant aussi, j'aimerais en profiter pour remercier toutes les personnes du milieu culturel montréalais. On sait que au moment de la présentation et des séances de consultation, il y a eu vraiment dépôt plus d'une vingtaine de mémoires. Donc, on voit que ça marque que le milieu culturel dans son ensemble est impliqué et concerné par le réseau Accès Culture. Donc, je remercie de leur participation, puisque c'est par la participation de tout le monde qu'on peut arriver avec des recommandations et des documents qui vont, on l'espère, vont nous permettre de cheminer. Alors, merci beaucoup. Alors, c'est la levée de l'Assemblée. Si personne veut rajouter quelque chose, et puis je demande un proposeur et un secondeur. D'accord. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Vous voyez, c'est pas trop long. C'est une soirée de canicule. Alors, profitez-en bien pendant que vous êtes en ville. Là, les terrasses sont ouvertes.